Chapitre 27. Mon gardien m'apprit alors que Biassou demandait à me voir et qu'il fallait me préparer à soutenir dans une heure une entrevue avec ce chef. C'était sans doute encore une heure de vie. En attendant qu'elle fût écoulée, mes regards erraient sur le camp des rebelles, dont le jour me laissait voir dans ses moindres détails la singulière physionomie. Dans une autre disposition d'esprit, je n'aurais pu m'empêcher de rire de l'inepte vanité des Noirs, qui étaient presque tous chargés d'ornements militaires et sacerdotaux, dépouilles de leurs victimes. La plupart de ces parures n'étaient plus que des haillons déchiquetés et sanglants. Il n'était pas rare de voir briller un hausse-col sous un rabat ou une épaulette sur une chasuble. Sans doute, pour se délasser des travaux auxquels ils avaient été condamnés toute leur vie, les nègres restaient dans une inaction inconnue à nos soldats, même retirés sous la tente. Quelques-uns dormaient, au grand soleil, la tête près d'un feu ardent. D'autres, l'œil tour à tour terne et furieux, chantaient un air monotone, accroupis sur le seuil de leurs ajoupas, espèce de hutte couverte de feuilles de bananier ou de palmier, dont la forme conique ressemble à nos tentes canonnières. Leurs femmes, noires ou cuivrées, aidées des négrillons, préparaient la nourriture des combattants. Je les voyais remuer avec des fourches l'igname, les bananes, la patate, les pois, le coco, le maïs, le chou caraïbe, qu'ils appellent taillot, et une foule d'autres fruits indigènes qui bouillonnaient autour des quartiers de porcs, de tortues et de chiens, dans de grandes chaudières volées aux cases des planteurs. Dans le lointain, aux limites du camp, les griots et les griottes formaient de grandes rondes autour des feux. Et le vent m'apportait par lambeaux leurs chants barbares, mêlés au son des guitares et des balafaux. Quelques vedettes, placées au sommet des rochers voisins, éclairaient les alentours du quartier général de Biassou, dont le seul retranchement, en cas d'attaque, était un cordon circulaire de cabrouets chargé de butins et de munitions. Ces sentinelles noires, debout sur la pointe aiguë des pyramides de granit, dont les mornes sont hérissées, tournaient fréquemment sur elles-mêmes, comme les girouettes sur les flèches gothiques, et se renvoyaient l'une à l'autre, de toute la force de leurs poumons, le cri qui maintenait la sécurité du camp. « Nada ! Nada ! Rien, rien !» De temps en temps, des attroupements de nègres curieux se formaient autour de moi. Tous me regardaient d'un air menaçant. Chapitre 28. Enfin, un peloton de soldats de couleur, assez bien armés, arriva vers moi. Le noir, à qui je semblais appartenir, me détacha du chêne auquel j'étais lié et me remit au chef de l'escouade, des mains duquel il reçut en échange un assez gros sac qu'il ouvrit sur le champ. C'était des piastres. Pendant que le nègre, agenouillé sur l'herbe, les comptait avidement, les soldats m'entraînèrent. Je considérai avec curiosité leur équipement. Ils portaient un uniforme de gros drap, brun, rouge et jaune, coupé à l'espagnol. Une espèce de montera castillane ornée d'une large cocarde rouge. On sait que cette couleur est celle de la cocarde espagnole. Cachaient leurs cheveux de laine. Ils avaient, au lieu de giberne, une façon de carnassière attachée sur le côté. Leurs armes étaient un lourd fusil, un sabre et un poignard. J'ai su depuis que cet uniforme était celui de la garde particulière de Biassou. Après plusieurs circuits, entre les rangées irrégulières d'ajoupas qui encombraient le camp, nous parvînmes à l'entrée d'une grotte taillée par la nature au pied de l'un de ces immenses pans de roches dont la savane était murée. Un grand rideau d'une étoffe tibétaine qu'on appelle le cachemire et qui se distingue moins par l'éclat de ses couleurs que par ses plis moelleux et ses dessins variés, fermait à l'œil l'intérieur de cette caverne. Elle était entourée de plusieurs lignes redoublées de soldats, équipés comme ceux qui m'avaient amené. Après l'échange du mot d'ordre avec les deux sentinelles qui se promenaient devant le seuil de la grotte, le chef de l'escouade souleva le rideau de cachemire et m'introduisit en le laissant retomber derrière moi. Une lampe de cuivre à cinq becs, pendue par des chaînes à la voûte, jetait une lumière vacillante sur les parois humides de cette caverne fermée au jour. Entre deux haies de soldats mulâtres, j'aperçus un homme de couleur, assis sur un énorme tronc d'acajou, que recouvrait à demi un tapis de plumes de perroquet. Cet homme appartenait à l'espèce des Sakatras, qui n'est séparée des nègres que par une nuance souvent imperceptible. Son costume était ridicule. Une ceinture magnifique de tresses de soie, à laquelle pendait une croix de Saint-Louis, retenait à la hauteur du nombril un caleçon bleu de toile grossière. Une veste de basin blanc, trop courte pour descendre jusqu'à la ceinture, complétait son vêtement. Il portait des bottes grises, un chapeau rond, surmonté d'une cocarde rouge, et des épaulettes, dont l'une était d'or avec les deux étoiles d'argent des maréchaux de camp, l'autre de laine jaune. Deux étoiles de cuivre, qui paraissaient avoir été des molettes d'éperon, avaient été fixées sur la dernière, sans doute pour la rendre digne de figurer auprès de sa brillante compagne. Ces deux épaulettes, n'étant point bridées à leur place naturelle par des ganses transversales, pendaient des deux côtés de la poitrine du chef. Un sabre et des pistolets, richement damasquinés, était posé sur le tapis de plumes auprès de lui. Derrière son siège se tenaient, silencieux et immobiles, deux enfants revêtus du caleçon des esclaves et portant chacun un large éventail de plumes de paon. Ces deux enfants esclaves étaient blancs. Deux carreaux de velours cramoisi, qui paraissaient avoir appartenu à quelque prie-dieu de presbytère, marquaient deux places à droite et à gauche du bloc d'acajou. L'une de ces places, celle de droite, était occupée par l'obi qui m'avait arraché à la fureur des griottes. Il était assis, les jambes repliées, tenant sa baguette droite, immobile comme une idole de porcelaine dans une pagode chinoise. Seulement, à travers les trous de son voile, je voyais briller ses yeux flamboyants, constamment attachés sur moi. De chaque côté du chef étaient des faisceaux de drapeaux, de bannières et de guidons de toute espèce, parmi lesquels je remarquai le drapeau blanc fleur-de-lysé, le drapeau tricolore et le drapeau d'Espagne. Les autres étaient des enseignes de fantaisie. On y voyait un grand étendard noir. Dans le fond de la salle, au-dessus de la tête du chef, un autre objet attira encore mon attention. C'était le portrait de ce mulâtre Augé qui avait été roué l'année précédente au Cap pour crime de rébellion, avec son lieutenant Jean-Baptiste Chavannes et 20 autres noirs ou sans mêlée. Dans ce portrait, Augé, fils d'un boucher du Cap, était représenté comme il avait coutume de se faire peindre, en uniforme de lieutenant-colonel, avec la croix de Saint-Louis et l'ordre du mérite du Lion, qu'il avait acheté en Europe du prince de Limbourg. Le chef Sakatra, devant lequel j'étais introduit, était d'une taille moyenne. Sa figure ignoble offrait un rare mélange de finesse et de cruauté. Il me fit approcher et me considéra quelque temps en silence. Enfin, il se mit à ricaner à la manière de l'hyène. « Je suis Biassou, » me dit-il. Je m'attendais à ce nom, mais je ne pus l'entendre de cette bouche au milieu de ce rire féroce sans frémir intérieurement. Mon visage pourtant resta calme et fier. Je ne répondis rien. « Eh bien, » reprit-il en assez mauvais français, « est-ce que tu viens déjà d'être empalé pour ne pouvoir plier l'échine du dos en présence de Jean Biassou, généralissime des pays conquis ?» et maréchal de camp des armées de Su Majestad Catholica. La tactique des principaux chefs rebelles était de faire croire qu'ils agissaient tantôt pour le roi de France, tantôt pour la Révolution, tantôt pour le roi d'Espagne. Je croisai les bras sur ma poitrine et le regardai fixement. Il recommença à ricaner. Ce tic lui était familier. « Oh, oh, mais pareces hombre de buen corazón. »« Tu me parais homme de bon courage. »« Eh bien, écoute ce que je vais te dire. Es-tu créole ?»« Non, » répondis-je. « Je suis français. » Mon assurance lui fit froncer le sourcil. Il reprit en ricanant. « Tant mieux, je vois à ton uniforme que tu es officier. Quel âge as-tu ? » 20 ans. Quand les as-tu atteints ? » À cette question qui réveillait en moi de bien douloureux souvenirs, je restai un moment absorbé dans mes pensées. Il la répéta vivement, je lui répondis « Le jour où ton compagnon Léogris fut pendu. » La colère contracta ses traits. Son ricanement se prolongea. Il se contint cependant. « Il y a 23 jours que Léogris fut pendu, » me dit-il. « Français, tu lui diras ce soir de ma part que tu as vécu 24 jours de plus que lui. Je veux te laisser au monde encore cette journée afin que tu puisses lui conter où en est la liberté de ses frères, ce que tu as vu dans le quartier général de Jean Biassou, maréchal de camp, et quelle est l'autorité de ce généralissime sur les gens du roi. » C'était sous ce titre que Jean-François, qui se faisait appeler grand amiral de France, et son camarade Biassou désignaient leur horde de nègres et de mulâtres révoltés. Alors il ordonna que l'on me fît asseoir, entre deux gardes, dans un coin de la grotte, et, adressant un signe de la main à quelques nègres affublés de l'habit d'aide-de-camp, « Qu'on batte le rappel, que toute l'armée se rassemble autour de notre quartier général pour que nous la passions en revue. Et vous, monsieur le chapelain, » dit-il en se tournant vers l'obit, « couvrez-vous de vos vêtements sacerdotaux et célébrez pour nous et nos soldats le saint sacrifice de la messe. » L'obit se leva, s'inclina profondément devant Biassou et lui dit à l'oreille quelques paroles que le chef interrompit brusquement et à haute voix. « Vous n'avez point d'hôtel, dites-vous, seigneur Coura. Cela est-il étonnant dans ces montagnes ? Mais qu'importe, depuis que le bon Dieu, patois créole, le bon Dieu, a-t-il besoin pour son culte d'un temple magnifique, d'un hôtel orné d'or et de dentelles ? Gédéon et Josué l'ont adoré devant des monceaux de pierre. Faisons comme eux, bon père. » Patois créole, bon père. Il suffit au bon Dieu que les cœurs soient fervents. Vous n'avez point d'hôtel. Eh bien, ne pouvez-vous pas vous en faire un de cette grande caisse de sucre prise avant-hier par les gens du roi dans l'habitation du Buisson ? » L'intention de Biassou fut promptement exécutée. En un clin d'œil, l'intérieur de la grotte fut disposé pour cette parodie du divin mystère. On apporta un tabernacle et un saint-ciboire enlevé à la paroisse de la Cule, au même temple où mon union avec Marie avait reçu du ciel une bénédiction si prompte, suivie de malheur. On érigea en autel la caisse de sucre volée, qui fut couverte d'un drap blanc en guise de nappe, ce qui n'empêchait pas de lire encore, sur les faces latérales de cet autel, « Du Buisson et compagnie pour Nantes ». Quand les vases sacrés furent placés sur la nappe, l'obit s'aperçut qu'il manquait une croix. Il tira son poignard, dont la garde horizontale présentait cette forme, et le planta debout, entre le calice et l'ostensoir, devant le tabernacle. Alors, sans ôter son bonnet de sorcier et son voile de pénitent, il jeta promptement la chape volée au prieur de la Cule sur son dos et sa poitrine nue, ouvrit auprès du tabernacle le missel à fermoir d'argent sur lequel avaient été lues les prières de mon fatal mariage, et, se tournant vers Biassou, dont le siège était à quelques pas de l'autel, annonça par une salutation profonde qu'il était prêt. Sur-le-champ, à un signe du chef, les rideaux de cachemire furent tirés et nous découvrirent toute l'armée noire rangée en carrés épais devant l'ouverture de la grotte. Biassou ôta son chapeau et s'agenouilla devant l'autel. À genoux ! Cria-t-il d'une voix forte. À genoux ! Répétèrent les chefs de chaque bataillon. Un roulement de tambour se fit entendre. Toutes les hordes étaient agenouillées. Seul, j'étais resté immobile sur mon siège, révolté de l'horrible profanation qui allait se commettre sous mes yeux. Mais les deux vigoureux mulâtres qui me gardaient dérobèrent mon siège sous moi, me poussèrent rudement par les épaules, et je tombai à genoux comme les autres, contraint de rendre un simulacre de respect à ce simulacre de culte. L'obi officia gravement. Les deux petits pages blancs de Biassou faisaient les offices de diacre et de sous-diacre. La foule des rebelles, toujours prosternée, assistait à la cérémonie, avec un recueillement dont le généralissime donnait le premier exemple. Au moment de l'exaltation, l'obi, élevant entre ses mains l'hostie consacrée, se tourna vers l'armée et cria en jargon créole « Zote kone bonjou, c'est limo fe zote voe, blanc touye li, touye blanc yo tout. » Vous connaissez le bon Dieu, c'est lui que je vous fais voir, les blancs l'ont tué, tuez tous les blancs. Depuis, Toussaint Louverture avait coutume d'adresser la même allocution aux nègres après avoir communié. À ces mots, prononcés d'une voix forte, mais qu'il me semblait avoir déjà entendu quelque part et en d'autres temps, toute la horde poussa un rugissement. Ils entrechoquèrent longtemps leurs armes, et il ne fallut rien moins que la sauvegarde de Biassou pour empêcher que ce bruit sinistre ne sonnât ma dernière heure. Je compris à quel excès de courage et d'atrocité pouvaient se porter des hommes pour qui un poignard était une croix, et sur l'esprit desquels toute impression est prompte et profonde. Chapitre 29. La cérémonie terminée, l'obi se retourna vers Biassou avec une référence respectueuse. Alors le chef se leva et, s'adressant à moi, me dit en français « On nous accuse de n'avoir pas de religion. Tu vois que c'est une calomnie et que nous sommes bons catholiques. » Je ne sais s'il parlait ironiquement ou de bonne foi. Un moment après, il se fit apporter un vase de verre plein de grains de maïs noir. Il y jeta quelques grains de maïs blanc, puis, élevant le vase au-dessus de sa tête pour qu'il fût mieux vu de toute son armée, « Frère, vous êtes le maïs noir. Les blancs, vos ennemis, sont le maïs blanc. » À ces paroles, il remua le vase, et quand presque tous les grains blancs eurent disparu sous les noirs, il s'écria d'un air d'inspiration et de triomphe « Gaieté blanc, si lala !» Voyez ce que sont les blancs relativement à vous. Une nouvelle acclamation, répétée par tous les échos des montagnes, accueillit la parabole du chef. Biassou continua, en mêlant fréquemment son méchant français de phrases créoles et espagnoles. El tiempo de la mansuétude es pasado. Le temps de la mansuétude est passé. Nous avons été longtemps patients comme les moutons, dont les blancs comparent la laine à nos cheveux. Soyons maintenant implacables comme les panthères et les jaguars des pays d'où ils nous ont arrachés. La force peut seule acquérir les droits. Tout appartient à qui se montre fort et sans pitié. Saint-Loup a deux fêtes dans le calendrier grégorien. L'agneau pascal n'en a qu'une. N'est-il pas vrai, monsieur le chapelain ? L'obi s'inclina en signe d'adhésion. « Ils sont venus, » poursuivit Biassou. « Ils sont venus, les ennemis de la régénération de l'humanité. Ces blancs, ces colons, ces planteurs, ces hommes de négoce, verdaderos demonios vomis de la bouche d'Alecto. Son venidos con insolencia. » Ils sont venus avec insolence. Ils étaient couverts, les superbes, d'armes, de panaches et d'habits magnifiques à l'œil. Et ils nous méprisaient, parce que nous sommes noirs et nus. Ils pensaient, dans leur orgueil, pouvoir nous disperser aussi aisément que ces plumes de paon chassent les noirs essaims des moustiques et des maringouins. En achevant cette comparaison, il avait arraché des mains d'un esclave blanc un des éventails qu'il faisait porter derrière lui et l'agitait sur sa tête avec mille gestes véhéments. Il reprit. Mais, oh mes frères, notre armée a fondu sur la leur, comme les bigailles sur un cadavre. Ils sont tombés, avec leurs beaux uniformes, sous les coups de ces bras nus qu'ils croyaient sans vigueur, ignorant que le bon bois est plus dur quand il est dépouillé d'écorce. Ils tremblent maintenant, ces tyrans exécrés. Yo, gagnez peur. Jargon créole, ils ont peur. Un hurlement de joie et de triomphe répondit à ce cri du chef, et toutes les hordes répétèrent longtemps « Yo, gagnez peur !»« Noirs, créoles et Congos, » ajouta Biassou, « vengeance et liberté !» Sans mêler, ne vous laissez pas attiédir par les séductions de Los Diabolos Biancos. Vos pères sont dans leur rang, mais vos mères sont dans les nôtres. Au reste, ô hermanos de mi alma, ô frères de mon âme, ils ne vous ont jamais traités en père, mais bien en maître. Vous étiez esclaves, comme les Noirs. Pendant qu'un misérable pagne couvrait à peine vos flancs brûlés par le soleil, vos barbares pères se pavanaient sous des buenos sombreros et portaient des vestes de nankin les jours de travail, et les jours de fête, des habits de bourracan ou de velours. Ah, dies y siete cuartos lavar. À 17 quartos la vara, mesure espagnole qui équivaut à peu près à l'aune. Maudissez ces êtres dénaturés. Mais comme les saints commandements du bon Joux le défendent, ne frappez pas vous-même votre propre père. Si vous le rencontrez dans les rangs ennemis, qui vous empêche, amigos, de vous dire l'un à l'autre « Touye papa moué, ma touye quena toué »« Tue mon père, je tuerai le tien ». On a entendu en effet les mulâtres capitulant en quelque sorte avec le parricide prononcer ces exécrables paroles. « Vengeance, gens du roi, liberté à tous les hommes !» Ce cri a son écho dans toutes les îles. Il est parti de Quisqueya, ancien nom de Saint-Domingue qui signifie « grande terre ». Les indigènes l'appelaient aussi Haïti. Il réveille Tabago à Cuba. C'est un chef des 125 nègres marrons de la montagne bleue. C'est un noir de la Jamaïque, Bookman, qui a levé l'étendard parmi nous. Une victoire a été son premier acte de fraternité avec les noirs de Saint-Domingue. Suivons son glorieux exemple. La torche d'une main, la hache de l'autre. Point de grâce pour les blancs, pour les planteurs. Massacrons leurs familles, dévastons leurs plantations. Ne laissons point dans leur domaine un arbre qui n'ait la racine en haut. Bouleversons la terre pour qu'elle engloutisse les blancs. Courage donc, amis et frères, nous irons bientôt combattre et exterminer. Nous triompherons ou nous mourrons. Vainqueurs, nous jouirons à notre tour de toutes les joies de la vie. Morts, nous irons dans le ciel où les saints nous attendent, dans le paradis où chaque brave recevra une double mesure d'aguardiente. Au défi. Et une piastre gourde par jour. Cette sorte de sermon soldatesque, qui ne vous semble que ridicule, messieurs, produisit sur les rebelles un effet prodigieux. Il est vrai que la pantomime extraordinaire de Biassou, l'accent inspiré de sa voix, le ricanement étrange qui entrecoupait ses paroles, donnait à sa harangue je ne sais quelle puissance de prestige et de fascination. L'art avec lequel il entremêlait sa déclamation de détails faits pour flatter la passion ou l'intérêt des révoltés ajoutait un degré de force à cette éloquence, appropriée à cet auditoire. Je n'essaierai donc pas de vous décrire quel sombre enthousiasme se manifesta dans l'armée insurgée après la locution de Biassou. Ce fut un concert distordant de cris, de plaintes, de hurlements. Les uns se frappaient la poitrine, les autres heurtaient leurs massues et leurs sabres. Plusieurs, à genoux ou prosternés, conservaient l'attitude d'une immobile extase. Des négresses se déchiraient les seins et les bras avec les arêtes de poisson dont elles se servent en guise de peigne pour démêler leurs cheveux. Les guitares, les tam-tams, les tambours, les balafos mêlaient leur bruit aux décharges de mousqueterie. C'était quelque chose d'un sabbat. Biassou fit un signe de la main. Le tumulte cessa comme par un prodige. Chaque nègre reprit son rang en silence. Cette discipline, à laquelle Biassou avait plié ses égaux par le simple ascendant de la pensée et de la volonté, me frappa, pour ainsi dire, d'admiration. Tous les soldats de cette armée de rebelles paraissaient parler et se mouvoir sous la main du chef, comme les touches du clavecin sous les doigts du musicien. Chapitre 30. Un autre spectacle, un autre genre de charlatanisme et de fascination, excita alors mon attention. C'était le pansement des blessés. Lobby, qui remplissait dans l'armée les doubles fonctions de médecin de l'âme et de médecin du corps, avait commencé l'inspection des malades. Il avait dépouillé ses ornements sacerdotaux et avait fait apporter auprès de lui une grande caisse à compartiments dans laquelle étaient ses drogues et ses instruments. Il usait fort rarement de ses outils chirurgicaux et, excepté une lancette en arête de poisson avec laquelle il pratiquait fort adroitement une saignée, il me paraissait assez gauche dans le maniement de la tenaille qui lui servait de pince et du couteau qui lui tenait lieu de bistouri. Il se bornait, la plupart du temps, à prescrire des tisanes d'orange des bois, des breuvages de skin et de salse pareille, et quelques gorgées de vieux tafia. Son remède favori, et qu'il disait souverain, se composait de 3 verres de vin rouge, où il mêlait la poudre d'une noix muscade et d'un jaune d'œuf bien cuit sous la cendre. Il employait ce spécifique pour guérir toute espèce de plaie ou de maladie. Vous concevez aisément que cette médecine était aussi dérisoire que le culte dont il se faisait le ministre. Et il est probable que le petit nombre de cures qu'il opérait par hasard n'eût point suffi pour conserver à Lobby la confiance des Noirs s'il n'eût joint des jongleries à ses drogues et s'il n'eût cherché à agir d'autant plus sur l'imagination des nègres qu'il agissait moins sur leurs mots. Ainsi, tantôt ils se bornaient à toucher leurs blessures en faisant quelques signes mystiques, d'autres fois usant habilement de ce reste d'anciennes superstitions qu'ils mêlaient à leur catholicisme de fraîche date, ils mettaient dans les plaies une petite pierre fétiche enveloppée de charpie, et le malade attribuait à la pierre les bienfaisants effets de la charpie. Si l'on venait lui annoncer que tel blessé, soigné par lui, était mort de sa blessure, et peut-être de son pansement. « Je l'avais prévu, » répondait-il d'une voix solennelle. « C'était un traître. Dans l'incendie de telle habitation, il avait sauvé un blanc. Sa mort est un châtiment. » Et la foule des rebelles, ébahie, applaudissait, de plus en plus ulcérée dans ses sentiments de haine et de vengeance. Le charlatan employa, entre autres, un moyen de guérison dont la singularité me frappa. C'était pour un des chefs noirs, assez dangereusement blessé dans le dernier combat. Il examina longtemps la plaie, la pansa de son mieux, puis, montant à l'autel, « Tout cela n'est rien, » dit-il. Alors il déchira 3 ou 4 feuillets du missel, les brûla à la flamme des flambeaux dérobés à l'église de Lacule, et, mêlant la cendre de ce papier consacré à quelques gouttes de vin versées dans le calice, « Buvez, » dit-il au blessé, « ceci est la guérison. » Ce remède est encore assez fréquemment pratiqué en Afrique, notamment par les Maures de Tripoli, qui jettent souvent dans leur breuvage la cendre d'une page du livre de Mahomet. Cela compose un filtre auquel ils attribuent des vertus souveraines. Un voyageur anglais, je ne sais plus lequel, appelle ce breuvage une infusion d'Alcoran. L'autre but, stupidement, fixant des yeux pleins de confiance sur le jongleur qui avait les mains levées sur lui, comme pour appeler les bénédictions du ciel. Et peut-être la conviction qu'il était guéri contribua-t-elle à le guérir. Chapitre 31. Une autre scène, dont Lobby voilé était encore le principal acteur, succéda à celle-ci. Le médecin avait remplacé le prêtre, le sorcier remplaça le médecin. « Hombres, escucat, homme, écoutez. Le sens que les Espagnols attachent au mot « hombre » dans ce cas ne peut se traduire. C'est plus « comme » et moins « qu'ami ». S'écria Lobby, sautant avec une incroyable agilité sur l'autel improvisé, où il tomba assis, les jambes repliées, dans un jupon bariolé. « Escucat, hombres !» Que ceux qui voudront lire au livre du destin le mot de leur vie s'approchent. Je le leur dirai. Estudiado la ciencia de los gitanos. J'ai étudié la science des Égyptiens. Une foule de noirs et de mulâtres s'avancèrent précipitamment. L'un après l'autre, dit Lobby, dont la voix sourde et intérieure reprenait quelquefois cet accent criard qui me frappait comme un souvenir. Si vous venez tous ensemble, vous entrerez tous ensemble au tombeau. Ils s'arrêtèrent. En ce moment, un homme de couleur, vêtu d'une veste et d'un pantalon blanc, coiffé d'un madras à la manière des riches colons, arriva près de Biassou. La consternation était peinte sur sa figure. « Eh bien, dit le généralissime à voix basse, qu'est-ce? Qu'avez-vous, Rigaud ?» C'était ce chef mulâtre du rassemblement des Cailles, depuis connu sous le nom de général Rigaud. Homme rusé sous des dehors candides, cruel sous un air de douceur. Je l'examinai avec attention. « Général, répondit Rigaud, et il parlait très bas, mais j'étais placé près de Biassou et j'entendais. Il y a là, aux limites du camp, un émissaire de Jean-François. Boukman vient d'être tué dans un engagement avec M. de Touzard, et les Blancs ont dû exposer sa tête comme un trophée dans leur ville. « N'est-ce que cela ?» dit Biassou. Et ses yeux brillaient de la secrète joie de voir diminuer le nombre des chefs et, par conséquent, croître son importance. « L'émissaire de Jean-François a en outre un message à vous remettre. »« C'est bon, » reprit Biassou. « Quittez cette mine de déterré, mon cher Rigaud. »« Mais, » objecta Rigaud, « ne craignez-vous pas, général ?» L'effet de la mort de Boukman sur votre armée ? Vous n'êtes pas si simple que vous le paraissez, Rigaud, répliqua le chef. Vous allez juger Biassou. Faites retarder seulement d'un quart d'heure l'admission du messager. Alors il s'approcha de Lobby, qui, durant ce dialogue, entendu de moi seul, avait commencé son office de devin, interrogeant les nègres émerveillés, examinant les signes de leur front et de leurs mains, et leur distribuant plus ou moins de bonheur à venir, suivant le son, la couleur et la grosseur de la pièce de monnaie jetée par chaque nègre à ses pieds dans une patène d'argent doré. Biassou lui dit quelques mots à l'oreille. Le sorcier, sans interrompre, continua ses opérations métoposcopiques. « Celui, disait-il, qui porte au milieu du front, sur la ride du soleil, une petite figure narrée ou un triangle fera une grande fortune sans peine et sans travaux. La figure de 3S rapprochée, en quelque endroit du front qu'il se trouve, est un signe bien funeste. Celui qui porte ce signe se noiera infailliblement, s'il n'évite l'eau avec le plus grand soin. Quatre lignes partant du nez et se recourbant deux à deux sur le front au-dessus des yeux, annonce qu'on sera un jour prisonnier de guerre et qu'on gémira captif aux mains de l'étranger. » Ici, Lobby fit une pause. « Compagnon, ajouta-t-il gravement, j'avais observé ce signe sur le front de Buck Jargal, chef des braves du Morne Rouge. » Ces paroles, qui me confirmaient encore la prise de Buck Jargal, furent suivies des lamentations d'une horde qui ne se composait que de noirs et dont les chefs portaient des caleçons écarlates. C'était la bande du Morne Rouge. Cependant, Lobby recommençait. « Si vous avez, dans la partie droite du front, sur la ligne de la lune, quelque figure qui ressemble à une fourche, craignez de demeurer oisif. » Ou de trop rechercher la débauche. Un petit signe bien important, la figure arabe du chiffre 3 sur la ligne du soleil, vous présage des coups de bâton. Un vieux nègre, espagnol domingois, interrompit le sorcier. Il se traînait vers lui en implorant un pansement. Il avait été blessé au front, et l'un de ses yeux, arraché de son orbite, pendait tout sanglant. Lobby l'avait oublié dans sa revue médicale. Au moment où il l'aperçut, il s'écria « Des figures rondes dans la partie droite du front, sur la ligne de la lune, annoncent des maladies aux yeux. « Hombre, dit-il au misérable blessé, ce signe est bien apparent sur ton front. Voyons ta main. « Alas, excellentissimo signor, répartit l'autre. Mi rusted mi ojo. Hélas, très excellent seigneur, regardez mon œil. Fatras, nom sous lequel on désignait un vieux nègre hors de service, répliqua Lobby avec humeur. J'ai bien besoin de voir ton œil. Ta main, te dis-je. Le malheureux livra sa main en murmurant toujours mi ojo. Bon, dit le sorcier, si l'on trouve sur la ligne de vie un point entouré d'un petit cercle, on sera borgne, parce que cette figure annonce la perte d'un œil. C'est cela. Voici le point et le petit cercle. Tu seras borgne. Et à l'essoil ? Je le suis déjà, répondit le fatras en gémissant pitoyablement. Mais Lobby, qui n'était plus chirurgien, l'avait repoussé rudement et poursuivait sans se soucier de la plainte du pauvre borgne. Est-ce qu'ucat, ombres ? Si les sept lignes du front sont petites, tortueuses, faiblement marquées, elles annoncent un homme dont la vie sera courte. Celui qui aura entre les deux sourcils, sur la ligne de la lune, la figure de deux flèches croisées, mourra dans une bataille. Si la ligne de vie qui traverse la main présente une croix à son extrémité près de la jointure, elle présage qu'on paraîtra sur l'échafaud. « Et ici ?» reprit Lobby. « Je dois vous le dire, Hermanos, l'un des plus braves appuis de l'indépendance, Bookman, porte ces trois signes funestes. » À ces mots, tous les nègres tendirent la tête, retinrent leur haleine. Leurs yeux immobiles, attachés sur le jongleur, exprimaient cette sorte d'attention qui ressemble à la stupeur. « Seulement, » ajouta Lobby, « je ne puis accorder ce double signe qui menace à la fois Bookman d'une bataille et d'un échafaud. Pourtant, mon art est infaillible. » Il s'arrêta et échangea un regard avec Biassou. Biassou dit quelques mots à l'oreille d'un de ses aides de camp qui sortit sur le champ de la grotte. « Une bouche béante et fanée, » reprit Lobby, se retournant vers son auditoire avec son accent malicieux et goguenard. Une attitude insipide, les bras pendants et la main gauche tournée en dehors, sans qu'on en devine le motif, annonce la stupidité naturelle, la nullité, le vide, une curiosité hébétée. Biassou ricanait. En cet instant, l'aide de camp revint. Il ramenait un nègre, couvert de fange et de poussière, dont les pieds, déchirés par les ronces et les cailloux, prouvait qu'il avait fait une longue course. C'était le messager annoncé par Rigaud. Il tenait d'une main un paquet cacheté, de l'autre un parchemin déployé qui portait un sceau dont l'empreinte figurait un cœur enflammé. Au milieu était un chiffre formé des lettres caractéristiques M et N, entrelacées pour désigner sans doute la réunion des mulâtres libres et des nègres esclaves. À côté de ce chiffre, je lus cette légende. Le préjugé vaincu, la verge de fer brisée, vive le roi. Ce parchemin était un passeport délivré par Jean-François. L'émissaire le présenta à Biassou et, après s'être incliné jusqu'à terre, lui remit le paquet cacheté. Le généralissime l'ouvrit vivement, parcourut les dépêches qu'il renfermait, en mit une dans la poche de sa veste, et, froissant l'autre dans ses mains, s'écria d'un air désolé « Jean du roi !» Les nègres saluèrent profondément. « Jean du roi, voilà ce que mande à Jean Biassou, généralissime des pays conquis, maréchal des camps et armée de sa majesté catholique, Jean-François, grand amiral de France, lieutenant général des armées de sa dite majesté, le roi des Espagnes et des Indes. Bookman, chef de 120 noirs de la montagne bleue à la Jamaïque, reconnus indépendants par le gouvernement général de Bellecombe, Bookman vient de succomber dans la glorieuse lutte de la liberté et de l'humanité contre le despotisme et la barbarie. Ce généreux chef a été tué dans un engagement avec les brigands blancs de l'infâme Tuzar. Les monstres ont coupé sa tête et ont annoncé qu'ils allaient l'exposer ignominieusement sur un échafaud dans la place d'armes de leur ville du Cap. Vengeance ! Le sombre silence du découragement succéda un moment dans l'armée à cette lecture. Mélobi s'était dressé debout sur l'autel et il s'écriait en agitant sa baguette blanche avec des gestes triomphants « Salomon, Zorobabel, Éléazar Taleb, Cardan, Judas Brotaric, Averroès, Albert le Grand, Boabdil, Jean de Hagen, Anna Baratro, Daniel Ogrumov, Rachel Flins, Altornino, je vous rends grâce. La Tientia des voyants ne m'a pas trompé. Hijos, amigos, hermanos, muchachos, mozos, madres, y vosotros todos qui me escucai aquí. Fils, amis, frères, garçons, enfants, mères, et vous tous qui m'écoutez ici. Qu'avais-je prédit? Que había dico? Les signes du front de Bookman m'avaient annoncé qu'il vivrait peu et qu'il mourrait dans un combat. Les lignes de sa main, qu'il paraîtrait sur un échafaud. Les révélations de mon art se réalisent fidèlement, et les événements s'arrangent d'eux-mêmes pour exécuter jusqu'aux circonstances que nous ne pouvions concilier la mort sur le champ de bataille et l'échafaud. Frères, admirez !» Le découragement des Noirs s'était changé durant ce discours en une sorte d'effroi merveilleux. Ils écoutaient Lobby avec une confiance mêlée de terreur. Celui-ci, enivré de lui-même, se promenait de long en large sur la caisse de sucre dont la surface offrait assez d'espace pour que ses petits pas puissent s'y déployer fort à l'aise. Biassou ricanait. Il adressa la parole à Lobby. « Monsieur le chapelain, puisque vous savez les choses à venir, il nous plairait que vous voulussiez bien lire ce qu'il adviendra de notre fortune, à nous, Jean Biassou, mariscal de Campo. » Lobby, s'arrêtant fièrement sur l'autel grotesque où la crédulité des Noirs le divinisait, dit au maréchal de Campo « Venga vuestra merced, vienne votre grâce. » En ce moment, Lobby était l'homme important de l'armée. Le pouvoir militaire céda devant le pouvoir sacerdotal. Biassou s'approcha. On lisait dans ses yeux quelque dépit. « Votre main, général, » dit Lobby en se baissant pour la saisir. « Ampezzo, je commence. » La ligne de la jointure, également marquée dans toute sa longueur, vous promet des richesses et du bonheur. La ligne de vie, longue, marquée, vous prédit une vie exempte de maux, une verte vieillesse. Étroite, elle désigne votre sagesse, votre esprit ingénieux, la generosidad de votre cœur. Enfin, j'y vois ce que les chiromancos appellent le plus heureux de tous les signes, une foule de petites rides qui lui donne la forme d'un arbre chargé de rameaux et qui s'élève vers le haut de la main. C'est le pronostic assuré de l'opulence et des grandeurs. La ligne de santé, très longue, confirme les indices de la ligne de vie. Elle indique aussi le courage. Recourbée vers le petit doigt, elle forme une sorte de crochet. Général, c'est le signe d'une sévérité utile. À ce mot, l'œil brillant du petit Hobby se fixa sur moi à travers les ouvertures de son voile, et je remarquai encore une fois un accent connu, caché en quelque sorte sous la gravité habituelle de sa voix. Il continuait avec la même intention de geste et d'intonation. « Chargé de petits cercles, La ligne de santé vous annonce un grand nombre d'exécutions nécessaires que vous devrez ordonner. Elle s'interrompt vers le milieu pour former un demi-cercle, signe que vous serez exposé à de grands périls avec les bêtes féroces, c'est-à-dire les blancs, si vous ne les exterminez. La ligne de fortune, entourée comme la ligne de vie de petits rameaux qui s'élèvent vers le haut de la main, confirme l'avenir de puissance et de suprématie auquel vous êtes appelé. Droite et déliée dans sa partie supérieure, elle annonce le talent de gouverner. La cinquième ligne, celle du triangle, prolongée jusque vers la racine du doigt du milieu, vous promet le plus heureux succès dans toute entreprise. Voyons les doigts. Le pouce, traversé dans sa longueur de petites lignes qui vont de l'ongle à la jointure, vous promet un grand héritage. Celui de la gloire de Bookman, sans doute, ajouta Lobby d'une voix haute. La petite éminence qui forme la racine de l'index est chargée de petites rides doucement marquées, honneur et dignité. Le doigt du milieu n'annonce rien. Votre doigt annulaire est sillonné de lignes croisées les unes sur les autres. Vous vaincrez tous vos ennemis, vous dominerez tous vos rivaux. Ces lignes forment une croix de Saint-André, signe de génie et de prévoyance. La jointure qui unit le petit doigt à la main offre des rides tortueuses. La fortune vous comblera de faveur. J'y vois encore la figure d'un cercle, présage à ajouter aux autres, qui vous annonce puissance et dignité. « Heureux !» dit Éléazar Taleb, celui qui porte tous ces signes. Le destin est chargé de sa prospérité, et son étoile lui amènera le génie qui donne la gloire. « Maintenant, général, laissez-moi interroger votre front. » « Celui, dit Rachel Flintz, la bohémienne, qui porte au milieu du front, sur la ride du soleil, une petite figure carrée ou un triangle, fera une fortune. » La voici bien prononcée. Si ce signe est à droite, il promet une importante succession. Toujours celle de Bookman. Le signe d'un fer à cheval entre les deux sourcils, au-dessous de la ride de la lune, annonce qu'on saura se venger de l'injure et de la tyrannie. Je porte ce signe. Vous le portez aussi. La manière dont Lobby prononça les mots « je porte ce signe » me frappa encore. On le remarque, ajouta-t-il du même ton, chez les braves qui savent méditer une révolte courageuse et briser la servitude dans un combat. La griffe de lion que vous avez empreinte au-dessus du sourcil prouve votre bouillant courage. Enfin, général Jean Biassou, votre front présente le plus éclatant de tous les signes de prospérité. C'est une combinaison de lignes qui forme la lettre M, la première du nom de la Vierge. En quelque partie du front, sur quelque ride que cette figure paraisse, elle annonce le génie, la gloire et la puissance. Celui qui la porte fera toujours triompher la cause qu'il embrassera. Ceux dont il sera le chef n'auront jamais à regretter aucune perte. Il vaudra à lui seul tous les défenseurs de son parti. Vous êtes cet élu du destin. « Gracias, monsieur le chapelain, » dit Biassou, se préparant à retourner à son trône d'acajou. « Attendez, général, » reprit Lobby, « j'oubliais encore un signe. La ligne du soleil, fortement prononcée sur votre front, prouve du savoir-vivre, le désir de faire des heureux, beaucoup de libéralité, et un penchant à la magnificence. » Biassou parut comprendre que l'oubli venait plutôt de sa part que de celle de Lobby. Il tira de sa poche une bourse assez lourde et la jeta dans le plat d'argent pour ne pas faire mentir la ligne du soleil. Cependant, l'éblouissant horoscope du chef avait produit son effet dans l'armée. Tous les rebelles, sur lesquels la parole de Lobby était devenue plus puissante que jamais depuis les nouvelles de la mort de Bookman, passèrent du découragement à l'enthousiasme et, se confiant aveuglément à leur sorcier infaillible et à leur général prédestiné, se mirent à hurler à l'envi Vive Lobby! Vive Biassou! » Lobby et Biassou se regardaient, et je crus entendre le rire étouffé de Lobby, répondant au ricanement du généralissime. Je ne sais pourquoi cet Lobby tourmentait ma pensée. Il me semblait que j'avais déjà vu ou entendu ailleurs quelque chose qui ressemblait à cet être singulier. Je voulus le faire parler. « Monsieur Lobby, seigneur Coura, docteur médico, monsieur le chapelain, bon père !» lui dis-je. Il se retourna brusquement vers moi. « Il y a encore ici quelqu'un dont vous n'avez point tiré l'horoscope, c'est moi. » Il croisa ses bras sous le soleil d'argent qui couvrait sa poitrine velue et ne me répondit pas. Je repris. « Je voudrais bien savoir ce que vous augurez de mon avenir, mais vos honnêtes camarades m'ont enlevé ma montre et ma bourse, et vous n'êtes pas sorcier à prophétiser gratis. » Il s'avança précipitamment jusqu'auprès de moi et me dit sourdement à l'oreille « Tu te trompes, voyons ta main. » Je la lui présentai en le regardant en face. Ses yeux étincelaient. Il parut examiner ma main. « Si la ligne de vie, me dit-il, est coupée vers le milieu par deux petites lignes transversales et bien apparentes, c'est le signe d'une mort prochaine. Ta mort est prochaine. Si la ligne de santé ne se trouve pas au milieu de la main, et qu'il n'y ait que la ligne de vie et la ligne de fortune réunies à leur origine de manière à former un angle, on ne doit pas s'attendre avec ce signe à une mort naturelle. Ne t'attends point à une mort naturelle. Si le dessous de l'index est traversé d'une ligne dans toute sa longueur, on mourra de mort violente. Entends-tu? Prépare-toi à une mort violente. » Il y avait quelque chose de joyeux dans cette voix sépulcrale qui annonçait la mort. Je l'écoutais avec indifférence et mépris. « Sorcier, lui dis-je avec un sourire de dédain, tu es habile, tu pronostiques à coup sûr. » Il se rapprocha encore de moi. « Tu doutes de ma science? Eh bien, écoute encore. La rupture de la ligne du soleil sur ton front m'annonce que tu prends un ennemi pour un ami et un ami pour un ennemi. » Le sens de ces paroles semblait concerner ce perfide Pierrot que j'aimais et qui m'avait trahi, ce fidèle habit bras que je haïssais et dont les vêtements ensanglantés attestaient la mort courageuse et dévouée. « Que veux-tu dire ? » m'écriai-je. « Écoute jusqu'au bout, » poursuivit Lobby. « Je t'ai dit de l'avenir, voici du passé. La ligne de la lune est légèrement courbée sur ton front. Cela signifie que ta femme t'a été enlevée. » Je tressaillis. Je voulus m'élancer de mon siège. Mes gardiens me retinrent. « Tu n'es pas patient, » reprit le sorcier. « Écoute donc jusqu'à la fin. La petite croix, qui coupe l'extrémité de cette courbure, complète l'éclaircissement. Ta femme t'a été enlevée la nuit même de tes noces. « Misérable ! » m'écriai-je. « Tu sais où elle est ? Qui es-tu ? » Je tentai encore de me délivrer et de lui arracher son voile, mais il fallut céder au nombre et à la force. Et je vis avec rage le mystérieux Obi s'éloigner en me disant « Me crois-tu maintenant? Prépare-toi à ta mort prochaine. »